Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la marche, c'est vachement plus ordonné que nous. In R.I.G. 90.7. Je cherche plus, c'est 90.7. Laisse donc un peu les filles. Allez, R.I.G. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que Julie doit tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur R.I.G., la radio de John Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et oui, ici, c'est l'émission Johnny de A à Z. R.I.G., cette émission, vous pouvez la retrouver sur le 90.7, si vous êtes sur Bordeaux, bien entendu, et aussi sur Internet, le rigfm.fr. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir, car ce soir, on va fêter l'anniversaire du premier 45 tours de John Hallyday, le 14 mars 1960. Mais vous, dites, mais vous allez vous dire, mais on est le 11 mars! Pourquoi fêter l'anniversaire aujourd'hui? Ben oui, parce que l'émission, c'est tous les mercredis. Soit c'était ce mercredi-ci, soit c'était le mercredi de la semaine prochaine. Eh bien, il vaut mieux être en avance qu'être en retard, bien entendu. Aujourd'hui, on va retracer John Hallyday, l'année 60. On va revenir un petit peu en arrière, évidemment, hein, pour avoir les prémices, la genèse un peu de John Hallyday. Et on terminera cette émission par le fameux Festival du Rock au Palais des Sports en 1961. Mais sinon, entre-temps, il y aura plein de choses. Johnny va nous parler, va nous raconter un petit peu cette période des années 60, du moins de ses débuts. J'aurai aussi la collaboration de Georges Lang à ses dépens pour participer à cette émission. Et puis aussi, quelques textes seront issus d'un livre de Frédéric Quilonero, qui aurait aimé être là ce soir pour présenter cette émission également. Oui, je l'ai eu. Hein. Il m'a dit, je vais te tirer l'oreille. Mais j'aurais dû l'inviter pour cette émission spéciale anniversaire. On va se replonger dans le temps. On va revenir en 1958 et Johnny Hallyday nous parle un peu de sa fréquentation du golf Drouot. Voici l'anniversaire des 60 ans du 45 tours T'aimer follement, hein, le premier 45 tours de Johnny chez Vogue. Et voici tout de suite Johnny sur l'antenne de RIG. Alors à l'époque, j'allais au golf Drouot. C'était le temple un peu du début du rock'n'roll. C'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés là. C'est là que j'ai connu Eddie. Claude Moine, alias Eddie Mitchell, aujourd'hui. On était tous une bande, là. Comme j'ai été élevé par Lee Hallyday, ses parents m'envoyaient les premiers disques d'Elvis, de Little Richard, enfin de Eddie Cochran, de tous les rockers de l'époque, parce que ces disques, on ne les trouvait pas en France. Et c'est moi, d'ailleurs, qui les amenais au Golf Drouot, pour les mettre dans le gros jukebox. Contrairement à la légende, Jean-Philippe Smet est à l'époque timide et emprunté. Il est plutôt taciturne et ne se met jamais en avant. Il n'est pas dragueur et encore moins blouson noir. Quoique empreinte de maladresse et bien que son chant reste approximatif, ses premières prestations scéniques révèlent déjà un grand potentiel. Alternant échec et réussite, il fait un bide au restaurant de Loré Dubois, mais remporte un franc succès le samedi après-midi au Robinson Moulin Rouge, la future locomotive, devant un public jeune et enthousiaste. Jean-Philippe doit-il persévérer? C'est la question que se pose sa famille et en particulier sa cousine Desta. Elle décide d'en avoir le cœur net. J'ai demandé au directeur du Moulin Rouge à l'époque, M. Martini d'ailleurs, qui avait également un autre cabaret aux Champs-Élysées, où passait Roberta, qui était une chanteuse qui était quand même très très connue à l'époque. Et je lui ai dit, écoutez, je voudrais qu'elle l'écoute et qu'elle me dise si chante bien, si chante faux, et si vraiment ça vaut la peine qu'il continue. Elle l'a écouté, et alors là, c'est très important, parce que c'était le début de la carrière de Jenny. Elle m'a dit, écoutez, il faut qu'il continue, il est extraordinaire, et c'est une nouvelle façon de chanter qui se présente. Mais il va falloir l'imposer. Alors, elle m'a dit, vous allez aller voir de ma part un ami à moi qui fait Paris Cocktail et qui est très connu, et il acceptera de faire l'audition parce que c'est très difficile d'avoir une audition pour lui. Le type pas très enthousiaste, comme d'habitude. Vu l'influence de Roberta, qui était une très grande amie à lui, il a dit, bon, bah, écoutez, je veux bien l'écouter. Et il lui a demandé à Johnny, qu'est-ce que tu chantes? Et là, il a répondu, bon, les succès d'Elvis Presley. Et c'était la chance de sa vie, c'est que Pierre Mandelson avait traduit en français la chanson. Voici un enregistrement de Johnny Hallyday et son trio, fait à la maison. Ready, Teddy? Ready, set, go, man, go. I ain't got a girl down half, so I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll, go! City Pike, came rock and roll, baby, this apple on my high. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll, ready, set, go, man, go. I ain't got a girl down the hall up, so I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Nous sommes en automne 1959 chez Jean-Pierre Guerlain, un ami de la patinoire. Johnny réalise sur magnétophone une nouvelle maquette de 5 titres, dont 3 inscrits au répertoire du vénéré Presley. Teddy Ready, Ton petit ours en peluche et Tutti Frutti. Love is Strange et Des gosses complètent cet enregistrement amateur et Philippe Duval l'accompagne à la guitare. Voici tout de suite Ce sont des gosses. Et c'est la première fois que je diffuse dans l'émission Johnny de A à Z ces extraits. Quand s'embrassent au milieu de la rue, ils nous regardent et pensent d'un air indulgent. Ce ne sont que des enfants, des gosses. Quand j'enlace tes épaules nues dans la glace, je les vois dire en souriant, sont que des enfants, des gosses. Mais nous savons où va notre amour, bien loin, bien plus loin que le jour. Ce qui compte, ce sont tous nos rêves. Qu'il raconte, on s'en moque éperdument. Nous ne sommes plus des enfants, des gosses. Regarde nos photos de vacances, par mégarde, ils entrent et disent en passant, mon Dieu, ce qu'il est enfant. Un gosse, oh, oh, oh, en colère, s'écrie que je t'aime, rien à faire, on me répond gentiment, tu parles comme un un gosse. Mais nous savons où va notre amour, bien loin, bien plus loin que la joue. Laisse-les dire dire jusqu'à ce qu'ils comprennent. Laisse-les dire jusqu'à ce qu'ils apprennent enfin qu'on n'est plus des gamins, des gosses, ou des gosses. Jean-Jacques Debout a rencontré John Hallyday dans cette même période, en 1958 ou 1959, et il nous raconte sa rencontre avec Johnny. À l'époque, j'avais fait sa connaissance Place Pigalle, où il fréquentait une brasserie qui s'appelait les Pierrots de Montmartre, qui n'existe plus maintenant, qui s'appelle Le Bouillon. Et il y avait un jukebox, et puis il y avait une petite guitare qui était accoudée au jukebox, et le patron lui donnait des pièces de l'époque pour qu'il les mette dans le jukebox. Il mettait Bill Haley dans Rock on the Clock et il imitait à côté du jukebox avec sa guitare. Et je revois avec son petit blouson rouge et son jean et ses chaussures de tennis. Et il chantait Rock on the Clock plus fort que Bill Haley, ce qui fait que tous les clients se retournaient pour le regarder. Et il était magique, il était avec ses grandes boucles blondes, et on aurait dit un archange. Et alors, moi je l'ai appelé à ma table, il est venu tout de suite, et je lui ai dit, écoutez, c'est formidable, comment vous chantez, mais vous faites ça souvent? Et il me dit, oh bah, je fais ça pour attendre ma cousine qui fait un numéro de playmat où elle et lui, et elle est avec mon cousin, il l'appelait son cousin, mais en fait c'était le fiancé de sa cousine. Pour aller plus vite, il l'appelait son cousin, et c'était le fameux Lee Hallyday, c'était lui qui portait le nom de Hallyday. Car à l'époque où je rencontre Johnny, il s'appelle encore Jean-Philippe Smet. J'avais prévenu Jacques Volson, qui était directeur artistique au disque Vogue, c'est lui qui avait découvert Dutronc, François Hardy, et beaucoup d'artistes. Et il était mon directeur artistique, Volson. Et Claude Wolff, lui, s'occupait de la presse des disques Vogue. Alors, j'avais dit à Wolff et à Wolff que je rencontrais tout le temps au Vieux Colombier, puisque à l'époque, il était le manager de Sidney Bechet. Et je lui ai dit, venez, il y a un phénomène qu'il faut voir, qui est au Pierrot de Montmartre. Il faut absolument le voir chanter faire Bill Haley. C'est formidable et tout. Alors, ils sont venus le voir. Et Volson lui a dit « Passez me voir demain à mon bureau » et il lui a signé son premier contrat de disque où il a fait « Laisse les filles, Itsy Petit Bikini et... » Love, love is strange, yeah, yeah, many, many people take it for a game. My baby, you're the one. Love, love is too. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Many, many people take it for a game. Baby, oh my baby, oh my baby, you're the one. 1, 2, 3, 4. De moi, ton petit ours en peluche, passe-moi la corde au cou et traîne-moi partout, traite-moi comme un joujou. Je suis de ceux qu'on dresse avec des mots très doux, je réponds aux caresses par des flots de tendresse et d'amour. Oui, en fait de moi, ton ours en peluche. Je me laisse rémaner par le bout de mon nez. Oh, laisse-moi

partir tous deux, partir en se moquant de ceux qui enragent en nous voyant. Nous aimer éperlement mon amour, nous aimer éperlement nous tes jours. Ah, que la vie est douce quand on est amoureux, ah, rien vous rend heureux, le ciel est plus bleu et tout me pousse. Ah, t'aimer éperlement mon amour, ah, à t'aimer éperlement nous tes jours. Je pense encore à toi, car je sais que tu reviendras, et personne au monde ne m'empêchera. T'aimer éperlement mon amour, t'aimer éperlement nous tes jours. Ah, dans l'émission de Johnny de A à Z, on fête l'anniversaire des 60 ans du 45 tours T'aimer follement. Il y avait aussi le titre Laisse les filles, il y avait Ho Ho Baby et le plus beau des jeux qu'on retrouve sur 45 tours. La pochette en noir et blanc, par mesure d'économie, présente un chanteur à genoux, jambes écartées, la bouche ouverte et en un cri guerrier avec une tenue très rock conseillée par l'ami Long Chris, pantalon de cuir et chemise noire à rayures argentées, une guitare soliste pleine caisse en bandoulière et la photo est signée André Nissac, qui illustrera toutes les pochettes de la période de Vogue. Devenu Hallyday avec un Y, hein, au lieu de la place du I à la faveur, à la faveur d'une erreur d'imprimerie, le jeune débutant se voit attribuer un attaché de presse en la personne de Claude Wolff, mari de Petula Clark, et se soumet à certaines exigences d'ordre purement commercial. Wilson et Wolff, les deux loups de chez Vogue, ne sont pas franchement convaincus que le rock'n'roll, phénomène typiquement américain, ait un avenir en France. Tout au moins, se montre-t-il prudent. S'il consente à éditer « Laisse les filles, j'étais fou », stimulé par l'enthousiasme de Gilles Jean, il décide toutefois de miser sur un titre déjà enregistré par Dalida, « T'aimer follement » d'après le making love de l'inoffensif Floyd Robinson. Et on va écouter June Hallyday qui raconte un peu les enregistrements de cette période. Tiens, à l'époque, on enregistrait, c'était sur deux pistes. Donc tout était en direct, les musiciens et moi. Il y avait trois musiciens, hein. Il y avait un bassiste, un guitariste et un batteur. Et donc, il y avait deux pistes. Une piste pour les musiciens, une piste pour moi. Donc, on était obligés de faire tout ça en même temps, quoi. À l'époque, c'était en 1960, enfin, 59, quand j'ai commencé. Il n'y avait pas de musiciens de rock. En France, c'était des musiciens de jazz. Et les musiciens de jazz, ils avaient horreur du rock'n'roll. Parce qu'ils trouvaient ça débile, ils trouvaient ça trop simpliste, bon, par rapport au jazz. À l'époque, ce qu'il y avait de plus rock, c'était Gilbert Bécaud, M. Saint-Mille-Gol, quoi. C'était ça, l'Europe, pour les Français à l'époque. I was a fool to believe you were mine. How could you love me? Baby, please make it clear. Do you love me like I won't you give me just one more chance? Oh, my heart jumps at your slightest glance. Don't leave me in doubt, dear baby. Please make it clear, do you love me like I love you? T'aimer follement sort le 14 mars 1960 et reçoit un accueil négatif. Il provoque même des réactions extrêmes, telle que la célèbre colère de Lucien Maurice, alors chargé de la programmation musicale sur Europe numéro 1, qui brise le disque de Johnny en direct sur l'antenne en s'écriant « C'est la première et la dernière fois que vous entendez ce chanteur ». Écoute, j'étais plutôt fier de ça, parce qu'on avait, également cassé le disque d'Elvis. Je sais pas, c'était dans le sud des États-Unis où un programmateur avait dit vous n'entendrez plus jamais cette musique de nègre chantée par un blanc, et je casse son disque. Et d'ailleurs, Elvis est devenu très connu grâce à ça. Et moi ça m'a fait marrer, parce que Lucien Maurice a fait la même chose de moi, pour moi, parce que j'avais... Bon, il voulait pousser Dalida, avec qui il vivait, hein, c'est normal. Et à l'époque, c'était pour une chanson que je détestais, moi, d'ailleurs. C'était « T'aimais follement », qui était... que j'ai essayé de faire le plus rock possible, mais qui n'était pas vraiment un rock'n'roll. La, la, la, la, la. La, la, la, la. Depuis toujours, le plus beau jeu, mais oui, c'est l'amour. Puisque l'on s'aime, jouons la carte du bonheur. Si tu le veux, je serai le valet de ton cœur. Oui, le plus beau jeu pour tous les amants, le plus beau jeu quand vient le printemps. Oui, c'est l'amour, aussi amusons-nous, c'est notre tour. Ah, ce joli jeu de l'amour. Oui, yeah. Jouons la carte du bonheur. Si tu le veux, je serai le valet de ton cœur. Oui, oui, oui, le plus beau jeu, oui, c'est d'embrasser tes lèvres en feu, que l'amour fait brûler. Viens contre moi, nous gagnerons tous deux, rien que nous deux, un coin de paradis, un paradis merveilleux. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Plus beau des jeux, c'est le jeu de l'amour. C'est l'anniversaire du premier 45 tours de Johnny Hallyday, les 60 ans. Il en manque un. Il manque encore. Saga Johnny Hallyday. Eh oui. Nous avons laissé Johnny en mars 1960. Il vient d'enregistrer son premier super 45 tours, T'aimer follement, et il s'apprête à faire ses débuts sur le petit écran. Plus qu'une voix, Johnny est une présence. Il faut le voir pour véritablement l'apprécier. C'est ce qu'a compris Claude Wolff, attaché de presse des disques Vogue et initiateur de sa première apparition télévisée. Celle-ci a eu lieu le 18 avril 1960 dans l'émission d'Aimé Mortimer, L'école des vedettes. Présenté et parrainé par la vedette du jour, Lynn Renault, Johnny interprète « Laisse les filles ». Le succès est foudroyant auprès des jeunes téléspectateurs et le 45 tours se vend rapidement à 100 000 exemplaires. 30 000 exemplaires plutôt, oui. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller dîner. Laisse les filles, moi. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer ces demoiselles pendant que ma mère dit plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers. échappe les filles. Avec ma momie hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté. Lorsque ma mère fait radiner, laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'enlèvements, pas moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Allez, parti. Que les filles se faisaient plus ça. Laisse les filles t'adorer. Oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Oui, toi aimer des filles. Eh bien, ma petite Lynn Renaud, il faut maintenant présenter aux téléspectateurs le jeune Johnny Hallyday, qui est votre filleul et qui vient de chanter. Eh bien, Johnny Hallyday, venez. Il a 16 ans, je crois. 17. 17, vous voyez, ça change tout. Ben, je voudrais bien poser des questions à mon filleul, mais je vous préviens tout de suite, aimé, il répond par oui ou par non. Hein? C'est monsieur oui, non? C'est monsieur oui, non. Et je crois qu'on doit ça à la timidité de ses 17 ans. Alors, si vous... Non, c'est moi qui vais vous poser les questions. Pourquoi s'appelle-t-il Johnny Hallyday? Il s'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. C'est tout simple, il fallait y penser. Oui, mais le père est américain, je suppose. Le père est américain et la maman française. Alors, c'est un produit voilà. Moitié français, moitié américain. Et la chanson qu'il vient de chanter Laisse les filles. Eh bien, je suppose que c'est un conseil de sa mère, non? Pourquoi ça vous intéresse, les filles? Bien, vous n'avez pas vu tout à l'heure ce qu'il faisait avec comment, les filles? Comment? J'ai pas compris. Ça y est, il a dit autre chose que oui ou non. Il a dit bien sûr. Ah, c'est bien, Johnny, vous faites des progrès déjà, voyez-vous. Est-ce que c'est votre première chanson? Oui, c'est ma première chanson. Vous pensez en faire d'autres, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, voilà. Il a oui, non, et bien sûr. Et bien sûr, maintenant. Et, eh bien, je crois que pour ça, il faut le demander aux téléspectateurs, parce que à la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Moi, je vous ai présenté mon filleul avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. Et on lui dit de s'en aller parce que j'ai deux mots à dire à Lynn en particulier. Ah, excusez-nous. Maintenant, nous, entre femmes. Au revoir, Johnny. Au revoir, Johnny. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse les filles est sorti. Et j'allais au Golf Drouot, et donc je prenais le métro à cette époque-là. Et pour aller au Golf Drouot, dans le couloir, j'entendais un groupe de jeunes de mon âge qui arrivaient dans l'autre sens et qui chantaient ma chanson, qui venait de sortir. Et je me suis dit, oh, ça a l'air de... Donc voilà, ça a commencé comme ça. Hallyday by Hallyday. Johnny en live. Envoie-moi la musique. Nous fêtons ce soir les 60 ans de l'apparition du 45 tours, du premier 45 tours de Johnny Hallyday avec T'aimer follement et puis aussi Laisse les filles. Le samedi 16 avril à La Roche-Migène, bourgade de Lyon, qui va donc s'inscrire dans l'histoire du rock français comme l'endroit qui a accueilli le premier spectacle de Johnny Hallyday. En attendant, le soir du 16 avril à 17h15, c'est un gosse de 16 ans quasi anonyme qui débarque du train sur le quai de la gare communale, son contrat en poche, lequel stipule qu'il touchera un cachet de 500 nouveaux francs et un aller-retour Paris, La Roche-Migène. Au cabaret L'Escale, considéré comme l'antichambre de l'Olympia de Paris pour avoir vu défiler depuis 1952 tous les grands noms du music-hall, on se montre curieux de ce nouveau chanteur annoncé comme un phénomène. À peine sait-on qu'il vient de sortir un disque. Qu'à cela ne tienne, en 3 quarts d'heure et 9 chansons, Johnny Hallyday va se faire connaître d'un public qui compte bon nombre de teenagers. D'entrée de jeu, le grand blond envoie le T'aimer follement que Dalida a déjà installé dans les hit-parades. Il enchaîne avec un titre

laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. De croire qu'un jour tu m'aimerais. Faut t'avoir fait pour nous tant de beaux projets. Je ne suis rien pour toi qu'un bon copain. Oh oui, oui, j'étais fou. J'étais fou de croire qu'on avait volé. Ton cœur pour moi sous ta main se serait enflammé. Oh, d'un grand amour qui durerait toujours. Oh oui, oui, j'étais fou. J'étais fou de croire que personne autre que moi ne pourrait te serrer fort entre ses bras et te donner le frisson d'un baiser. Oh oui, oui, j'étais fou, fou, fou, fou. De chansons d'amour et je pus t'écrire. Pourtant jamais je n'ai osé te les dire. Pourquoi chérie ne m'as-tu pas compris? Oh oui, oui, j'étais fou. J'étais fou de croire qu'un jour tu m'aimerais. Alors qu'au fond pour toi je n'étais qu'un jouet. Un pauvre jouet que tu laisses sans regret. Adieu, oui, j'étais fou. J'étais fou. Fou, fou, fou. J'étais fou. J'étais. Je te veux voir clair sourire de 16 ans sous le soleil éclatant et le ciel bleu sans nuages. Les tu aimais parfois bien très doux message me consoler, puis sans pitié le vent me le volant se moquant et tout seul comme avant je me souviens. Mon pauvre cœur est lourd, moi je pense, et tu jures à ce premier amour. Moi je pense, et tu jures à ce premier amour. Reprise d'Elvis Presley, Don't Leave Me Now, bien entendu. Je suis AIG et on fête les 60 ans de l'apparition du premier 45 tours de John Hallyday le 14 mars 1960. Une autre titre de Elvis Presley, Teddy Bear. Ton petit tour sans plus, passe-moi la corde au cou, éteins-moi partout autour de moi. Quand ma joujou, je suis de ceux qu'on dresse avec des mots très doux. Je réponds aux caresses par des flots de tendresse et d'amour. Oh oui, au feu de moi, ton ours en pluie, je me laisserai mener par le bout de mon nez. Oh, laisse-moi tout te donner. Oh baby, fais de moi ton petit ours en pluie, compagnon des peines et des joies, tout tremblant sur tes doigts. Oh, fais-le-moi ton cœur à toi. La vie n'a pas de patience avec les cœurs d'enfants. Je t'offre ta défense, l'amour n'a pas sa chance. Et bien souvent, oh oui, oh, fais-le-moi ton ours en pluie. Passe-moi la corde au cou et traîne-moi partout. Oh, traite-moi comme un joujou. Oh, traite-moi comme un joujou. I just wanna be your teddy bear. Nous assistons au premier concert de John Hallyday donné à l'Escale, hein, le cabaret L'Escale, à La Roche-Migène. Le 16 avril 1960. You for the show, three to get ready, now go, get go. But don't you step on my blue sweatshoes. Oh yeah, well you can do anything but lay hard on my blue sweatshoes. Well, you can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanna do, but lay hard on my shoes. But don't you step on my blue sweatshoes. Oh yeah. Well, you can do anything, but lay hard on my blue sweatshoes. Well, you can find my house, steal my car, and drink my cider for my whole free jar. Do anything that you wanna do, but lay hard on my shoes. But don't you step on my blue sweatshoes. Oh yeah. Well, you can do anything, but lay hard on my blue sweatshoes. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, go, go, don't you step on my blue sweatshoes. Oh yeah. Well, you can do anything but lay hard on my blue sweatshoes. Well, yeah. Well, it's a blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Well, you can do anything but lay hard on my blue sweatshoes. Oh yeah. Blue, blue, blue sweatshoes. Yeah. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Well, you can do anything but lay hard on my blue sweatshoes. Well, yeah. Well, it's a blue, blue, blue sweatshoes. Yeah. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Blue, blue, blue sweatshoes. Well, you can do anything but lay hard on my blue sweatshoes. C'est encore timide, mais ça tape dans les mains. Hein, ouais. Je voudrais vous chanter maintenant un des plus grands succès américains, français aussi d'ailleurs. Ainsi, tout. Well, a bam bam loo bam la bam bam tout le poule, alléluia, tout le poule, alléluia, tout le poule, alléluia, tout le poule, alléluia, tout le poule, alléluia. A bop bop a loop bop a bop bum bum. I got a girl named Sue, she knows just what to do. I got a girl named Sue, she knows just what to do. Well, she go to the east, go to the west. She's the girl that I love the best. Bum, I got a girl named Daisy. Almost got me crazy. I got a girl home named Daisy. She almost got me crazy. Well, she knows how to love me. Yes, indeed. But you don't know what you do to me. Tootie Fruity, Hollywood. Tootie Fruity, Hollywood. Tootie Fruity, Hollywood. Tootie Fruity, Hollywood. Tootie Fruity, Hollywood. Bop, bop, loo, bop, la, bum, bum. Go, man, go. I got a girl that I love, so I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Went down to the corner, pick up my sweetie pie, came a rock and roll, baby, just up and I'm high. I'm ready, yeah. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, to rock and roll, not the flapped up cat in the dangly door. I hate for the general, the soap cup bowl. Dreams really going and the cat's going home. Baby, I'll be soon, rock my soul. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready. Yeah, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready to rock and roll. Well, I'm ready, set, go, man, go. I got a girl that I love, so I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ready, ready, ready, I'm ready. Ainsi se termine le set de Johnny Hallyday ce 16 avril 1960 à l'Escale. Sous la houlette de son imprésario Georges Leroux et la surveillance active de sa tante Hélène, Johnny rôde ses chansons en province dans des conditions souvent difficiles. En mai, il met en boîte son deuxième 45 tours, Souvenir, Souvenir, qui sort le 3 juin. C'est un succès immédiat. Souvenir, souvenir, je vous retrouve en mon cœur. Et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances, quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir, de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Le 3 juin sort donc son 45 tours Souvenir, Souvenir, qui va s'inscrire comme la chanson symbole de cette folle époque du début du rock en France. Et le mercredi 15 juin, Johnny continue toujours sa petite tournée et Johnny entame une série de concerts au Vieux Colomier de Juin-les-Pins, Annex Festival du Club Jazzy du même nom, situé rive gauche à Paris. Vêtu d'un costume lamé or, il s'accompagne lui-même à la guitare et est entouré de quatre musiciens de jazz locaux. Au programme, Souvenir, Souvenir, Laisse les filles, Je suis mordu, Je cherche une fille, Sentimentale, Money Honey, ainsi qu'un slow qui ne sera jamais gravé sur disque, Mon amour oublié d'après Hawaii des Teddy Bears. Il obtient un franc succès auprès d'une clientèle de jeunes férus de jazz rock auxquels se joignent de nombreuses célébrités. Charles Trenet, Sacha Distel, Hugo Frey et la comédienne Dora Doll. Je ne vois pas qui c'est. Et tous les soirs, il retrouve Carlos avec qui il noue de solides liens d'amitié. Et le futur chanteur fantaisiste fait ici office d'homme à tout faire, animant dans la joie et la bonne humeur les soirées musicales. On va retrouver tout de suite Johnny Hallyday au vieux Colomier à jouer en lépin. C'était temps. Hallyday by Hallyday. En juin, bien sûr. Johnny en live. En moment de la musique. Il a donné une série de concerts là-bas, tout à fait. Ma mère me dit régulièrement, si tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'enlever. Laisse les filles. Oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ces conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère fit plus belle. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements pour moi. Laisse donc un peu les filles. Avec maman hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait, y avait de la gaieté, tant que ma mère s'est abîmée. Laisse les filles. Oui, laisse les filles. Tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Oui, laisse donc un peu les filles. Un air câlin, amusant si quelquefois. pourquoi cet amour qui m'a fait chanter, pourquoi s'amuse à me faire pleurer. Vers nos amours, car ton image est partout. Je sens bien que je deviens doux. Pourquoi cet amour qui m'a fait chanter? Pourquoi t'amuses-tu à me faire pleurer? Tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Wouh! Ah ah ouh! Yeah! Ah ah ouh! Yeah! J'suis mort, un peu trop, un peu peu. Ça me travaille autant que ça peut. Ça me bute dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat, j'ai l'air d'être fichu. Ah ah ah! J'suis mort. Yeah! Ah ah ouh! Yeah! Ah ah ouh! Yeah! Elle a l'air de ne pas s'étouffer. Mais croyez-moi, pourtant, mes pieds. Sinon, vous vous ferez comme moi. Mettez les bras en toi, voyez. Et je sache, j'ai l'air d'assez fichu. Ah ah ah, j'suis mordu. Yeah. Elle a des yeux étranges. Voyez voir un petit ange. Mais ne vous étiez pas, car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu. J'suis mordu, quoi, donc le fait. Et pendant ce que j'en te fais un cadeau. Je te sens plus de vie, je suis du bras de l'huile. De façon, je suis fichu, ah ah, j'suis mordu. Yeah. Oh, elle a des yeux étranges, vous voyez voir un homme. Je ne pas car elle a dans le fond des yeux un regard qui peut être monstrueux. J'suis mordu. C'est mon envie que j'en te serre un cadeau. J'ai le temps que je m'appuie, je suis du tout raboué. Ça sent les résultats, je suis fichu, ah ah, j'suis mordu. Yeah, je m'en. Yeah, je m'en. Yeah, je m'en. Yeah. Ça remue dans tout mon corps, j'ai le cœur qui bat très fort. Voyez le résultat. Jamais, il reste encore. partie du répertoire de Johnny Hallyday au Vieux Colomiers à Juillet-les-Pins lors de cette tournée d'été. On fête l'année 60. Souvenir, souvenir. Je vais vous retrouver dans mon cœur. Et vous faites votre larie. Tous mes rêves de bonheur. Je me souviens de soirs de danse. Des joues contre joues. Des rendez-vous de nos vacances. Quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir. De nos beaux jours de l'été. Lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Souvenir, souvenir, et c'est pas dans le matin. Où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir. Mais nous partions comme gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, illuminant l'avenir. Lorsque mon ciel est tout gris, on dit que le temps vous emporte. J'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains. Ce soir dans l'émission Johnny de la Z, on retrace le parcours de Johnny Hallyday durant l'année 1960. Johnny nous reprend du Elvis. Yo So Square. Ni les films de suspense. T'as mieux qu'on s'installe dans un petit jardin. Tout seul la main dans la main sentimentale. Et moi ça m'est égal. Tu n'aimes pas les boîtes de nuit. Et les cocktails t'ennuient. T'aimes mieux les oiseaux, les fleurs, le ciel bleu. Et me regarder dans les yeux sentimentales. Mais moi ça m'est égal. Oh, tu ne connais pas le moindre pas nouveau. Ni le rock'n'roll, ni même le calypso. Sans ton cœur danser une valse. Une valse à trois temps. Tous mes amis crient au scandale. Comment une fille de 20 ans sentimentale. Mais moi ça m'est égal. Oh, tu aimes les clairs de lune et les poèmes. Et tu rougis quand je te dis je t'aime. Oh, oh, oh, oh. Tu es sentimentale. Vraiment comme on ne l'est pas. Mais on peut me dire tout ce qu'on voudra. Jamais personne ne m'aimera sentimental. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. D'un grand amour comme ça. For my doorbell, I like to dream for a long, long spell. I went through the window, I peeked through the blind, and I was keen to tell me what was on his mind. He said, "Money, honey, oh, oh, oh, money, honey, money, honey. If you want to get along with me, well, I say, well, tell me, baby, what's wrong?" Your main thing is true. I say, oh tell me baby, face to her face. Oh how I gonna know to when that take my place. She said, money honey, oh, oh, oh. Money honey, money honey. If you want to get along with me, well I say, oh tell me baby, what's wrong with you? What is it honey? romance seems true. I say, oh, tell me, baby, please do obey. Oh, how I'm gonna know the man that take me in my place. Oh, honey, honey. Oh, oh, oh, money, honey. Yeah. Money, honey. If you want to get along with me. Well, I've learned a lesson, and I know I hide enough. The sun be shining in the wind. Blow. The woman may come and the woman may go. Before I say I love you so. Money, honey. Georges Leroux cherche alors à imposer Johnny sur une grande scène parisienne. Après avoir essuyé un refus catégorique de Bruno Cocatrix, le patron de l'Olympia, il obtient l'accord de Madame Breteau, la propriétaire de l'Alhambra, qui cherche des chanteurs pour son spectacle de rentrée dont la vedette est Raymond DeVos. Le 20 septembre 60, c'est la première à l'Alhambra. Johnny n'est qu'une des attractions destinées à chauffer la salle venue applaudir Raymond DeVos. Et il chante trois chansons dans une ambiance houleuse. Raymond DeVos se souvient très bien de cette soirée. Johnny Hallyday passait non seulement en première partie, mais il passait en tout début de spectacle, c'est-à-dire qu'il fait passer en numéro 2, presque enlevé de rideau. Hein. Et le premier soir, évidemment, ça a fait plus que du bruit, ça a fait du chahut. Et le pauvre Johnny, il était un peu déconcerté, parce que il était ovationné au poulailler, et puis il était hué au parterre. Alors évidemment, le soir de la première, enfin c'était pas encore la générale, il a été très mal accueilli. Alors le lendemain, Madame Breteau m'a dit « Écoute, Raymond, si tu veux, on peut le retirer du programme. » Évidemment, je me suis opposé très violemment. Disant qu'il faisait déjà partie du spectacle, le spectacle était conçu comme ça, et qu'il continuerait comme ça, ou bien il ne continuerait pas du tout. Je sais que Chevalier m'a dit tout de suite « Ce type prend une carrière. » J'aime bien ce jeune homme, il a du talent, il a des qualités, il fera une carrière. De son côté, Johnny Hallyday n'a pas oublié ce qu'il doit à Raymond DeVos. Je peux dire pour Raymond DeVos, c'est que je lui dois beaucoup à Raymond DeVos, parce que c'est vrai que Madame Breton voulait définitivement m'enlever du programme du spectacle. Ce que ne dit pas Raymond DeVos, sans doute par pudeur et par modestie, c'est qu'il a dit si le petit s'en va, moi j'arrête le spectacle. Ce qui aurait été pour moi catastrophique. Et on retrouve tout de suite Johnny Hallyday à l'Alhambra, le soir du 17 septembre 1960. Il restera trois semaines à l'Alhambra, Johnny Hallyday. Et ce n'est pas trois titres, comme dit George Lang, c'est cinq titres. Et là, on n'écoutera que quatre titres dans cette émission. Je vous retrouve à mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, joue contre joue, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, vous revenez dans ma vie, éliminant

tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Ah, laisse les filles, oh, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Et laisse donc un peu les filles. J'ai beau penser à ses conseils, à la fenêtre je m'émerveille et je regarde passer cette demoiselle pendant que ma mère crie plus belle. Ah, laisse les filles, ah, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Et laisse donc un peu les filles. Avec ma momie hier au soir, devant le jukebox près du bar, on dansait avec de la gaieté lorsque ma mère sert à dîner. Ah, laisse les filles, ah, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'embêtements, crois-moi. Yeah. Laisse donc un peu les filles. Allez, pauvre de moi, pour me soutenir j'ai mon papa qui me dit toujours vas-y mon gars, puisque les filles c'est fait pour ça. Laisse les filles t'adorer, oui, laisse les filles te câliner, te caresser, te cajoler, crois-moi. Laisse-toi aimer des filles, et laisse-toi aimer des filles. Laisse-toi aimer des filles. Oui, laisse-toi aimer des filles. Johnny à l'Alhambra en 1960. Si les adolescents sont conquis, il reste à convaincre les adultes, et d'abord les gens du métier ainsi que les médias. À cet égard, les titres de la presse sont particulièrement éloquents. C'est ce que je disais. Le Parisien Libéré qualifie la prestation de Johnny de parodie burlesque, l'Humanité d'exhibition de mauvais goût. Pour La Croix, c'est une exhibition baragouinante et hystérique promise à brève échéance au Cabanon. Claude Sarotte, qui avait déclaré dans le journal Le Monde avoir pris au soubresaut, aux convulsions, aux extases de ce grand flandrin gros et blond à plaisir fait d'intérêt et d'étonnement mêlé que procure une visite aux chimpanzés ou du zoo de Vincennes. Quand on pense que tous ces gens ne vont pas tarder à virer Kazakh, on ne peut que sourire devant tant de haine, n'est-ce pas? À la fin de ces trois semaines d'Alhambra, Johnny enregistre un nouveau 45 tours, Itsy Bitsy Petit Bikini. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Et elle craignait de quitter sa cabine et elle tremblait de montrer aux voisins. Un, deux, trois, elle tremblait de montrer quoi? Son petit Itsy Bitsy Tini Bini, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Yeah! Un Itsy Bitsy Tini Bini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petit bras. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Non, elle ne songeait qu'à quitter sa cabine. Elle s'enroula dans son peignoir de bain, car elle craignait de choquer ses voisines, et même aussi de gêner ses voisins. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Son petit Itsy Bitsy Tini Wini, tout petit petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un Itsy Bitsy Tini Wini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à tout bras. Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. Eh ben, oh. Elle doit maintenant s'élancer hors de Londres. Elle craint toujours les regards indiscrets. C'est le moment de faire voir à tout le monde ce qui la trouble et qui la fait trembler. Un, deux, trois, elle a peur de montrer quoi? Et son petit, si petit, tout petit, petit, petit. Un Itsy Bitsy Tini Wini, tout petit petit bikini, un bikini rouge et jaune à petit bras. Si cette histoire vous amuse, on peut recommencer. s'excuser. En tout cas, c'est terminé. Wolson impose Itsy Bitsy Petit Bikini, une niaiserie déjà annonnée par le concurrent Richard Anthony et une Dalida surfant sur la nouvelle vague. Johnny a enregistré la chanson mais la défendra pas ni sur scène ni en télévision. Et lundi 31 octobre, Vogue publie un premier 33 tours 25 cm, format intermédiaire entre le Super 45 tours et le 33 tours 30 cm, intitulé Hello Johnny. On y retrouve les chansons des trois premiers 45 tours sauf Ho Ho Baby et Le Plus Beau des Jeux. Mais juste avant, Johnny fait une petite apparition à la télévision, à l'émission La Clé de Sol, le 19 octobre 1960, et reprend Ne joue pas de Jean Constantin. Alibay by Alibay. Johnny en live. On va voir la musique. Tu m'as surpris parfois d'entendre certaines interprétations de vos chansons? Ah, si. Hein? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on est à la Nouvelle Vague en ce moment, hein? Alors, ouais. On va vous présenter une de vos chansons chantée par un de la Nouvelle Vague. Johnny Hallyday, il s'appelle. Oh, je connais. Vous le connaissez, hein? Je m'en vais. Alors, avec lui. Il va chanter Ne joue pas. Vous l'avez déjà entendu chanter par lui? Jamais. Eh bien, voilà, pour la première fois, Johnny Hallyday, Ne joue pas. Ah! Sans courant. Oui, il y a comme un défaut là. Ça y est, ça marche. Oui, ah ben la Nouvelle Vague, vous savez, il arrive à peine, alors faut l'excuser si c'est pas encore très au point. Ça y est, non, ça marche toujours pas ça. Oui. Malheureux. Dès qu'on marche, ça ne marche plus, il paraît. Ça y est. Voilà, ça marche. Ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Tu peux, si tu veux, te consoler en jouant et rire de mes yeux qui ne voient que toi. Tu peux, si tu veux, te consoler en mes yeux, mon cœur qui ne bat que pour toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur sans défense, et devant la joie de ton surtout ne joue pas avec mon cœur, car il est, crois-moi, plus fragile que moi, mon cœur. Te confier en souriant des larmes qui voilent mes yeux qui ne voient que par toi qui ne pense qu'à jouer avec mon cœur sans dépense, devant la joie de ton cœur qui ne bat plus. Alibay by Alibay. Johnny en live. On va voir la musique. En décembre 1960, après avoir enregistré son prochain disque, Johnny donne son premier gala en Suisse, au Grillon de Genève. Sa prestation, composée de trois titres, Souvenir, Souvenir, Le Petit Clown de ton cœur et Kelly Watch, est diffusée à la TSR dans Music Hall à domicile, qui a été diffusée donc le 4 janvier 1961. Et bien maintenant, voici venu la minute, le moment de la vedette de ce soir. Cette vedette, c'est l'idole des teenagers actuels. Il s'agit de Johnny Hallyday. Jean-Charles, parlez-nous de Johnny Hallyday. Oh, on ne parle plus de Johnny Hallyday, ou plutôt on en parle trop. C'est, comment dire, c'est la nouvelle idole, c'est le dieu, c'est le démon de la nouvelle génération. Il est accompagné à la guitare par le guitariste genevois François Martin. Plutôt Jean-Pierre Martin, je me suis trompé de prénom. François, c'est un pianiste. Jean-Pierre Martin, voici Johnny Hallyday.

que répéter ce petit air qui commence à m'énerver. Kill, kill, kill, kill, watch, watch, watch, watch, kéon, kéon, kéon. C'est contagieux, car au lieu de dire bonjour, en me croisant, mes voisins chantent à leur tour. Kill it! Vous aussi, vous chantez. Yeah! Kill, kill, kill, kill, watch, watch, watch. Kéon, kéon, kéon. Ah, mes amis, n'écoutez pas cette terre-là, car vous risquez de finir tout comme moi. One more time! Kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, kill, watch, kill, watch, kill, watch, kill, watch, watch. Si je fais ce métier, en fin de compte, je fais ce métier parce que je ne sais rien faire d'autre. J'ai été élevé, en fin de compte, dans les coulisses. J'attendais que les gens qui s'occupent de moi aient fini de travailler. Puis ensuite, j'allais avec eux, donc, dans les pensions de famille où on habitait. Ils faisaient des changements de costumes, alors je préparais les costumes sur les chaises, dans les coulisses. Pour moi, c'était une grosse responsabilité, parce que si je me trompais ou si je ne faisais pas assez vite les changements à tout ça, eux, comme leur numéro était réglé à la seconde près, je veux dire... Et puis alors, bon, ben, la journée, j'avais ma tante qui était avec nous en tournée, qui m'apprenait à lire et à écrire. Alors, en fin de compte, je fais ce métier parce que je ne sais rien faire d'autre. Je veux dire, j'ai été élevé là-dedans. Ayant vécu dans les coulisses toute ma vie, je connaissais donc toutes les ficelles vues par derrière et pas vues par devant. Si j'avais pas fait ce métier, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'ai toujours pensé qu'un jour je ferais ce métier. Quoi, j'en sais rien, mais à l'époque, je ne pensais pas être un chanteur. Alors j'ai appris la guitare. La première fois que je suis monté sur une scène, c'était à l'Orée du Bois et je me suis fait virer. Ce genre de musique était inconnu en France à cette époque-là, le rock'n'roll. Et on disait que ça disturbait les gens pour parler et pour dîner. Et on m'a carrément demandé de ne plus revenir. On m'a payé d'ailleurs ma semaine. Et on m'a dit, demain, c'est pas la peine de revenir. C'était en 1958. Enfin, du moins, à l'Orée du Bois, bien sûr. Alibé by Alibé. Johnny en live. En moment la musique. Nous sommes en octobre 60. Johnny vend des disques par piles entières. Mais beaucoup ne voient encore en lui qu'une simple machine à sous. Et s'il attire les foules, il a toujours du mal à trouver des salles où se produire. Après une tournée triomphale dans le midi de la France, il est temps de conquérir définitivement la capitale. Ce sera fait au Palais des Sports de Paris en février 61. Devant 5000 jeunes survoltés, Johnny Hallyday conquiert ses galons d'idole sur fond d'émeute. Lorsque l'excitation est à son comble, la police charge et c'est la bagarre générale. 49 jeunes passeront leur nuit en prison et Johnny fait la une des journaux. Les professionnels de la musique, jusque-là incrédules, découvrent bien tardivement le potentiel que représente ce nouveau marché, celui des adolescents. Et le mercredi 5 avril, c'est la sortie du 33 tours 25 cm, Johnny Hallyday et ses fans au festival du rock'n'roll, son premier disque live, et en fait, il s'agit d'un faux live, les titres, ça commençait déjà, oui, les titres ayant été enregistrés en studio avec des ajouts d'applaudissements. On va écouter la majeure partie de ce concert-là au festival du rock, donc c'est au Palais des Sports en février 1961. home est parti. Je ne marche qu'au whisky et je passe mes jours allongé sur ta peau. Et je passe mes jours à guetter son retour. Yeah, depuis que ma home est parti, je n'ai plus un sou d'appétit. Qui me dira quand elle reviendra. Depuis que maman est partie, j'ai mes chaussettes trouées, mes chemises en nylon n'ont plus un seul bouton. Et je passe mes jours à guetter son retour. Yeah, go! Woo! Depuis que maman est partie, je n'ai plus tout à l'heure. Quand elle reviendra. Depuis que maman est partie, j'ai le cœur qui crie au secours. Et je passe mes jours à guetter son retour. Oui, reviens-moi mon amour. Oui, reviens-moi mon amour. Oui, j'ai, ah, ah, oh, oh, oui, j'ai, tout ça. Mes amis, je ne sais pas pourquoi, c'est dur pourtant, c'est comme ça. Dès qu'une fille passe devant moi, même si elle ne me sourit pas, je vous l'avoue, c'est insensé. Oui, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Si elle a de jolis yeux bleus, des cheveux un peu lumineux, ça me fait coup dur jusqu'en bas. Et devant ces merveilleux appâts, chaque fois mon Dieu que c'est bête. Oui, j'ai des chocs nerveux dans la tête. Oui, j'ai ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Oui, j'ai tout ça. Mes amis, c'est la même histoire pour une qui a les yeux noirs. Qu'elle soit grande ou petite, je vous le dis, je m'enflamme comme une bougie. Et pour que son regard me foule, oui, j'ai comme des tics dans les épaules. Pas normal, ces réactions un peu brutales. On s'est pensé ce qu'il a bien. Quand il me tire dans la main, il me donne un baiser fou. Oui, j'ai de la dynamite dans les genoux. Oui, j'ai. Ah ah ah. Oh oh oh. Oui, j'ai. Tout ça. Mes amis, ça devait m'arriver. J'ai les gens qui se mettent à trembler. J'ai

Kill what? Kill what? Kill what? Kill what? What? Lancer ma flemme sur un rocking chair, lire un magazine rempli de primeurs, boire avec une paille un whisky du tonnerre, à 78 tours ayez sur le pick-up. Oui mon cher, j'adore ça, oui mon cher. Fait une pince au ritim-ding. Vivre un souvenir versé par les Platters. Et danser le rock en faisant la cuisine. Me casser la figure au sport d'hiver. Oui mon cher, j'adore ça, oui mon cher. Yeah. Embrasser celle que j'aime, n'importe quand, n'importe où. Avec ma grosse porte que j'ai dans la scène, pour lui faire croire que je suis jaloux. Jouer les terreurs avec un blouson noir, et me faire suer à tâcher ma défaite. Brûler les feux rouges en le faisant exprès, pour faire la course avec les motards. Oui mon cher, j'adore ça, oui mon cher. C'est tellement monotone que rien ne me surprend, que plus rien ne m'étonne. Si vous connaissez quelque chose de nouveau, téléphonez-moi à mon club Golf Tour. Mais mon cher, j'adore ça. Rappelons que la retranscription de ce concert est un faux live. Oui, ça a déjà fait à l'époque, hein, en 1961. Si tu m'avais dit ce soir je vais chez John, j'aurais pas donné 23 coups de téléphone. Si tu m'avais dit qu'allais danser chez lui, je ne serais pas devenu cinglé. J'aurais pas crevé les pleurs de tes amis. Et j'aurais pas sorti tous les coulants d'Orly. Si tu m'avais dit je vais chez John, si tu voulais pas, oui que je te soupçonne, allez me dire voilà je vais chez John. En allant chez Johnny tu faisais de mal à personne. Mais moi pas bon sang, je ne vis même pas. Je fais des dégâts, un drôle de fracas. Et jamais tu te laisses les petits quartiers. Ah si t'avais dit je vais chez John, ouais, merde. Ah oui, qu'est-ce que je te soupçonne? Allez me dire, voilà, je vais chez John. En allant chez John, il te fait mal à personne. Mais moi, un bon sang, je ne vis de pas. J'ai fait des dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai amené de la pluie du quartier. Ah, si t'avais dit, fais chez John. Ah oui, qu'est-ce que je soupçonne? Allez me dire, voilà, je vais chez John. En allant chez John, il faisait de mal à personne. Mais moi, pas bon sang, je ne vivais pas. J'ai fait les dégâts, un drôle de fracas. Et j'ai arrêté de l'être du quartier. Ah, c'est avec des chez John. Eh, mais bon, allez, hein, bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Laisse tomber ce bon John. Voici le dernier titre de la soirée. Well, a ba ba ba loo ba ba la bing boom, tout le folle, on le roule, tout le folle, on le roule, tout le folle, on le roule, tout le folle, on le roule, tout le folle, on le roule. A ba ba ba loo ba ba la bing boom, I got a girl named Sue. You know just what to do. I got a girl named Sue. You know just what to do. She rap to the east, rap to the west. She's the girl that I love best. Tout le folle. Ba ba la bim boom, I got a girl named Daisy. She almost drives me crazy. Got a girl, almost drives me crazy. She knows how to love, yes indeed. But you don't know what to do to me. To the party, holy holy. To the party, holy holy. To the party, holy holy. To the party, holy holy. To the party, holy holy. Ba ba ba loo ba ba la bim boom, go. Well, I bing boom, I got a girl named Daisy. She almost jump to do. Got a girl named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me, yes indeed. But you don't know what you do to me. To the party, on the road. To the party, on the road. To the party, on the road. To the party, on the road. To the party, on the road. Ba ba ba loo ba ba la bing boom. Sachez cette émission spéciale anniversaire, les 60 ans du premier 45 tours de Johnny Hallyday. Et après, on a poursuivi l'année 1960 pour terminer un petit peu en 1961 avec ce fameux festival du rock. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission, de l'avoir écoutée. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec un album de la semaine. À bientôt, toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.